comme si je voulais recommencer cette vie inachevée, cette vie bâclée. Alors j'inventerai un nouveau départ, j'essaierai cette fois de partir en retard. C'est comme si je voulais enfin retrouver ce bonheur que j'aurais dû tant de fois partager. Tracer mon chemin, parfois me perdre en route, oublier mes matins, je ne crois pas avoir tout touché.